Bisous Jeanne, bonne nuit, merci beaucoup pour ce récap de mardi qui a fait une magnifique transition vers l'interview qu'on s'apprête à vivre maintenant avec Léo Duplex et Mara Winter. Et donc on se trouve un peu embêté avec Antoine parce que Mara a déjà répondu dans ce récap à de nombreuses questions que l'on voulait poser. Non ? Oui, mais on peut peut-être les reposer et voir si elle répondra exactement de la même manière. Pour voir si c'était sincère ou si tout est un peu inventé sur le moment, un peu comme ce qu'on fait ici dans cette radio. C'est ça. C'est ça. Bah, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Thank you so much for being here. We can have this interview in English. Yes. And is then maybe Léo, you can answer in French. Thank you. Yeah. D'accord. Maybe for this mic we can. Do you want me to be closer? Well, it's better a bit closer because if not, then we will hear more the corridor than your voice. Super. Thank you. Great. So welcome at Radio Zine, Léo Duplex, Mara Winter. Thank you for being here. And so Mara Winter, you're a performer, composer, and photographer. Yes. Was I read on your website, and in your work, you're exploring the infinite braid of the past and present. That's what also you were talking about previously. And you're directing the Renaissance Ensemble Phaedrus, which whom you played 2 days ago, 3 days ago? Was on Saturday? Sunday. Yeah. And you co-founded the multidisciplinary musical collective, The Fine Hand. Yes. Love that name. And can you tell us a bit how started your strong interest in this type of music and instruments, or just a bit of background? Sure, yeah. Well, I was telling this story yesterday. Fortunately, it was not recorded for this radio station, but I actually, before I got really interested in historical aesthetics and early music, I was performing a lot of contemporary music and experimental music on the modern flute, on electronics, playing in a lot of DIY bands in the punk scene and in the metal scene where I was living near Seattle. And if I'm really kind of raw about describing my first experiences or my first encounters with medieval music or with early music, it was kind of random. I was preparing a festival. I was living on this commune outside of Eugene, Oregon, and I was preparing a Beltane festival. And I had been going around to different other festivals and concerts to look out for bands who might be fun to program at my festival, and I kind of randomly encountered a medieval ensemble, and I was so entranced by these strange sounds and these very charming sounds of instruments I had never seen before, and this very intuitive way that the musicians were relating to each other, the modal melodies. This was really, really new to me and quite fascinating, and I found it so experimental in a way that I think that I had been searching for. And at the time, I didn't have the language to define this way of sharing music and communicating with music that I was craving, like I said. And it was really causing me at the time to burn out on the music that I was performing a lot. I actually didn't enjoy what I was doing, and I didn't enjoy the sound of the instruments that I was using to make music. And so encountering medieval music in that moment, it wasn't really an academic encounter, and it didn't cause me to ask very interrogative questions about why they were doing what they were doing, but it was more about the atmosphere and the texture that really, really captured my attention. And I connected very much to it. And so it was actually this logical step for me to go from an experimental approach on more modern instruments or kind of industrially produced instruments to these textures that were sort of coming from something handmade, coming from what I felt was a more human approach, and a more connected approach to the material, I would say, and the sounds that are produced by a unique craft. And so also, as I understood also, what touches you were also the fact how the people were listening to each other, also all this modification of the perception of the how to listen music while doing it, also in the ensembles, right? Yes. Okay. What kind of instruments were you using before? I had studied modern flute since I was 10 years old, and that's my background, is a very traditional sort of conservatory background. So I was in the middle of doing a master's degree on the modern flute, in fact, and was really involved in performing very new music and creating more experimental pieces using that kind of more, I would say, traditional classical instrumental material. So, Leo, you also had a path that took you from playing the piano in the beginning to being interested in ancient instruments as well, and also maybe changing a bit of the background and facing other. Another context with this instrument. Can you tell us a bit about that? Yes. So yeah, I studied. Mais en français, ça. En français, si tu veux aussi. Oui, moi j'ai étudié le piano. Enfin, moi j'ai fait des études au conservatoire, mais j'ai pas vraiment. En musique écrite, enfin, en musique, j'ai pas fait de musique classique. J'étais en jazz en fait. J'ai fait un master en piano jazz. Et donc, je me suis toujours, j'ai toujours improvisé. J'ai toujours été plus intéressé sur le fait de créer ma propre musique, que ce soit écrite ou improvisée, ou de faire quelque chose qui vienne de moi. J'ai jamais été très bon en fait pour j'ai essayé un peu mais pas suffisamment sans doute, mais pour vraiment être un vrai pianiste classique qui soit capable d'interpréter des pièces écrites par d'autres. Et donc à la fin de mes études au conservatoire, je pense que j'ai eu un peu la même expérience que Mara en fait. À la fin de mes études, j'ai eu un peu la même expérience de me rendre compte que finalement le piano, à la fois le piano et l'idiome jazz en fait, me correspondaient pas spécialement, à la fois en termes de esthétique et aussi de scène, enfin de la manière dont la scène jazz est organisée. Enfin, je trouvais ça pas très, très intéressant, très masculin, très. Enfin, voilà, un peu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce moment-là à la musique expérimentale, plus au courant notamment minimaliste, improvisée ou non, ou plus écrite. Donc, toujours un peu entre les deux, quoi. Et après, je me suis intéressé aussi beaucoup à l'intonation, à l'accord des instruments. Comme je disais lors de notre conférence talk qu'on a eu lundi avec d'autres étudiants, des étudiants de quand on est pianiste, on se soucie pas de l'accord. L'instrument nous le donne tel quel. Et l'accord qui va avec, et l'accord c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est l'accordeur de piano, et on nous dit toi t'es juste, et en fait c'est toujours les autres instrumentistes qui doivent se poser ces questions là et donc en fait plus tard, par hasard, en fait, en 2020, vraiment en chinant sur site de seconde main, j'ai trouvé un clavecin pas cher. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer cet instrument-là, qui est un instrument qu'on accorde soi-même. Et voilà, comme disait Mara aussi, la facture de cet instrument-là, elle est beaucoup plus artisanale. C'est vraiment des gens qui travaillent le bois, qui fabriquent des caisses de bois avec des fines tranches de bois, et puis sur lesquelles on tend des cordes, hein, quelque chose de beaucoup plus direct avec la physicalité du son, je trouve, comparé au piano et encore plus à l'électronique, évidemment, parce que j'ai fait aussi beaucoup d'électronique. Et donc, ouais, j'ai un peu eu un espèce de révélation avec cet instrument qui perdure aujourd'hui et que je suis encore, voilà, très content de développer de différentes manières avec différents projets, à la fois en plus en solo ou avec des collaborations avec d'autres groupes. Mais ouais, je pense à quelque chose de l'ordre de du coup de foudre avec l'instrument, son son et son rapport beaucoup plus direct et artisanal, quoi. C'est voilà. Ton clavecin qui a été amené l'autre jour là? Non, c'est pas mon clavecin. Moi, j'ai pas, parfois je prends mon clavecin. J'ai un tout petit virginal que je peux mettre sur mon dos, qui fait 1m25 et que je prends dans le train et tout. C'est très, très pratique. Okay. Mais là, c'était plutôt l'idée d'avoir un grand clavecin un peu plus résonant, quoi. Voilà. And during the festival, you were invited to talk about the intonation. This is something that is really important in your work. Can you tell us a bit more about that? How is intonation tuning together something that is maybe specific and that we don't really encounter in other musics, but that is has really a place. I mean, it was nice that we could do these talks together because we do share some commonality in that, but we also have two different approaches to it and two ways that we really explore using defined proportional intervals and temperaments in our music. So it's nice to be here together and sort of juxtapose those two things. From my side, while I am interested in using something like just intonation or experimenting with temperaments, for me it's really something, how to say, I'm very interested primarily in the instability or the sort of these in-between intervals that are not just. And sometimes the best way to show what isn't just is to show something just before that, just to show something stable in order to contrast it with something that is instable. So that's very important to me in my compositions, especially because I'm exploring these kind of tiny harmonic events and then expanding them, like if we're looking at them under a microscope, or like we were talking about yesterday, kind of slowing down. So taking a tiny moment and just slowing it down kind of infinitely and looking at all of the tiny complexities and variations and shading that happens inside of that. And for me, that means searching for a more intuitive intonation practice and an almost improvisatory intonation practice that relies a lot on how these intervals feel in our bodies and how it affects our senses and in a very physical way. So yes, just intonation is part of my practice, and exploring pitch ratios is very useful and interesting to me, but I'm using it in a way that helps me to move away from that rationality in the end. Pardon. Déjà, il faut quand même, enfin, juste par rapport à ça, il y a quelque chose quand même avec la musique de la Renaissance ou en tout cas avec quand on pratique ces musiques-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'intonation et à l'accord qui ont été, on va dire, entre guillemets, résolus depuis le 19e siècle avec le tempérament égal, voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de lien comme ça entre ces musiques anciennes et la musique plus contemporaine qui s'attache à prendre ces questions d'intonation en tout cas et de justesse comme un élément central de la pratique, quoi. Et ça, c'est intéressant de voir qu'avec 5-6 siècles d'écart, il puisse y avoir des espèces de liens comme ça, des vortex temporels qui nous rapprochent de... Enfin, et puis Mara, par exemple, a travaillé sur certains compositeurs du 16e siècle qui parlent beaucoup des couleurs, et des liens entre couleurs et intonation, etc., et complexité des couleurs et complexité des timbres. Et ça, voilà, c'est comme si il y avait une feuille de papier comme ça qui se repliait sur elle-même. Je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que moi, bon, pour le coup, dans ma pratique, moi, je recherche assez souvent des... Enfin, en tout cas, je donne pour principe de jouer des intervalles très justes, donc sans battement, des intervalles très... très droit comme ça, très parce que justement, mais par contre ce qui m'intéresse le plus c'est aussi toute l'instabilité qui peut y avoir parce que c'est très difficile d'accorder, les choses bougent beaucoup avec les instruments acoustiques et même si on va avoir un carcan qui théoriquement nous dit ah bah toi tu joues tel intervalle juste ou tel bah au final dans la réalité des choses on est toujours contraint par la réalité des instruments et la réalité des pièces dans lesquelles on joue, la réalité de ces micro-changements qui peuvent apparaître à la fois dans l'accord de l'instrument, du clavecin, mais aussi dans la manière dont les choses se mettent en branle, en fait, dans la réalité. Et donc, au final, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'idée de plonger dans le son et l'idée d'avoir cette attention particulière donnée à l'écoute des sons tels qu'ils sont et tels qu'ils... à la fois pour nous en tant que musiciens, quand on joue la musique, mais aussi, je l'espère, pour les auditeurs. Voilà. Je vais passer un petit son. Ouais. Pour se rendre compte, enfin d'avoir aussi une idée comme ça juste de tout ça. Et du coup, c'est un morceau qui est issu de l'album The Ear and the Eye de Mara Winter et Phaedrus. Et c'est donc le premier morceau qui s'appelle Hyacinthe, que je prends en cours de route parce qu'il dure 13 minutes 45. Thank you. I will let the sound play in the background. And up. Okay. And so because I started to ask the questions off mic, but it's better to ask them on mic. And because you were talking about colors before, and I saw also in your, I think it was in the Bandcamp of this album, that you were, it was written that you were using watercolor for the how to write this music. And so I wanted also to hear you both about how do you write the partitions of your pieces. Sure. For me, that's something that's always evolving depending on the needs of the music that I'm working on. But in particular, these pieces that we performed on Sunday from the album The Ear and the Eye, I was developing a system of hand-painted notation using watercolor. Actually started using with watercolor pencils, so you could use a lot of precision, but then sort of blend it out in with a lot of subtlety. And this was, the reason I did it was because I wanted to, first of all, explore the connection between pitch and color in my own life. And also I was really inspired by theorists and composers in the 16th century who were talking about that a lot. And in fact, for them, they were connecting the senses in a way. They were connecting how we hear things and how we see things. And I felt that that's a particular relationship that we've gone away from in our society. I think nowadays in a lot of ways we separate, and we separate all of the senses in our bodies, and we in our minds are kind of separated from our sensory experiences a lot of the time. So it was very interesting for me to kind of try and recombine those things again. And for me, it was doing that through the notation and trying to find a way to communicate a lot of this sensory experience and very subtle ways of making sound in the ensemble. It was a way to communicate that to the musicians. And also a lot of work, to make the notation and then as an ensemble learn how to play from that notation together, to understand it and then use it as our shared vocabulary as musicians. It's also a lot of work of, just to tune your words too, then with between musicians, also to have a kind of vocabulary tuning together. Yes, yeah, it is, and it took a lot of repetition and discussion, but in the end, you are kind of free. Not free, but once you have this shared language, it's much more open and fluid, and it's very magical, to learn to perform from a different kind of notation together. Mm-hmm. And you, Leo, do you have a special a way how you write for? Because you play, but you also compose for. Yes, ensemble. I use a. Si tu veux en français. Ah oui, pardon. j'utilise des partitions normales, quoi, avec les cinq lignes et les clés, etc. Par contre, souvent, ça dépend des contextes, mais souvent, par exemple, dans les certitudes, le trio qui va jouer vendredi, y a pas mal d'éléments qui sont pas forcément écrits. Et notamment le rythme, par exemple. Donc on va avoir souvent des notes qui s'enchaînent. On sait qu'on doit changer de pitch, quoi, mais enfin on doit changer de note. Mais c'est pas forcément très quantifié rythmiquement. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont vraiment liées à la pratique collective, quoi, au son du groupe, en fait. Où en fait, à force, on a quand même joué. Pas mal de fois ensemble, on se connaît assez bien, et du coup il y a comme une espèce de pratique collective qui a émergé, même si c'est un peu guidé par une partition qui nous dit joue cette note, etc. mais le son de l'ensemble, il existe en lui-même, quoi. Enfin, je crois. Et du coup, il y a ce truc aussi, moi, quand je compose pour ce groupe-là, je compose en sachant tout ça, en fait, en me disant que le plus important, c'est pas la partition, mais c'est le son de l'ensemble, c'est ça qui va, voilà. Donc je suis pas très... pour moi, la partition, elle a une dimension assez pratique, assez, voilà, il faut que ce soit assez direct, assez simple à lire, et donc voilà, la fonction, voilà, je suis pas un grand fan des partitions en général, donc c'est vrai que j'essaie de garder ça assez fonctionnel, quoi. Mais voilà. So yeah, working with an ensemble means drawing different type of relationship together, and also with the sound. And I was here like 2 days ago when you were having this talk here with the class of musicology, and you were also talking about the specific relationship you draw with your instrument and how it creates different type of modulations around the tuning and also with the sound. Could you tell a bit more about that? Sure. Mm-hmm. We were. Mm. I mean, I loved hearing. Yesterday we did another talk at the Haute École, and Leo was showing on the piano, actually, just there in the room, how explaining how beatings work actually in pitch. And we could hear there in the room something really special that's unique even to the piano, which is equally tempered. Mm. When you were playing the minor seventh, this part, how when you play a minor seventh on the keyboard of the piano, how it's creating beatings with how it's heard kind of as a ghost in the harmonic series at the same time. Mm-hmm. So even instruments that we're used to hearing nowadays, like a modern piano, they have their idiosyncrasies. And with the instruments that we're using, like for myself, I'm composing a lot for the Renaissance traverso and multiple flutes at the same time. Mostly because I found that they are so unique and they offer so much acoustic possibility that is kind of idiosyncratic for those instruments. They're very kind of pure in a way, but they also interact and they have such a multifaceted identity in terms of the kind of variation of sound that they're able to produce. And they also have a lot of possibility for pitch variation, since they don't have keys like a modern flute. They just have these open tone holes. There's a possibility to do a glissando on every note. And combining that also with multiphonics, you have, you know, so much possibility for creating very unique intervals there. So that's one of the reasons I chose to write a lot for the Renaissance flute, is because I wanted to explore these unique possibilities and idiosyncrasies of the instruments. And I also wanted to kind of document that aesthetic research in order to use it in the future and hopefully let other composers and performers use it in the future as well. Donc la question, c'est par rapport aux instruments, c'est ça ou... Oui, comment finalement il y a aussi une relation particulière qui se construit avec l'instrument, ses spécificités. Ouais. Ouais, bah c'est sûr que moi j'aime bien le son du clavecin. Et ouais. Voilà. Mais est-ce que dans l'accordage, par exemple, ou est-ce que dans ta manière de jouer, il y a aussi quelque chose qui va infléchir le son ou le modifier ou... Bah, je suis très, moi, je compose pas à la table, jamais. C'est vrai que c'est toujours une relation avec avec l'instrument et avec l'accord, parce que j'ai un accord très particulier sur l'instrument, comme tous les intervalles sont purs, entre guillemets. Ça définit vraiment un topos, quoi, enfin un terrain qui est très différent, la manière dont je peux bouger mes doigts, et la relation à la dissonance, à la consonance est très différente avec mon système d'accord d'avec le tempérament égal ou les autres. Donc oui, je suis très sensible à la physicalité en fait de l'instrument, et ça me, enfin il y a vraiment un jeu de réponse avec lui, une relation, quoi. Et voilà, après les autres, quand je travaille avec d'autres instrumentistes, c'est aussi, je suis assez, j'aime beaucoup les fréquences, les instruments graves, donc les violoncelles. Là, c'est la pièce qu'on va jouer vendredi, c'est pour violoncelle et clarinette basse. Donc vraiment explorer ces instruments, ces fréquences graves qui, dans lesquelles on entend beaucoup le spectre et même des notes très aiguës. Enfin des fréquences très aiguës, et voilà, d'ailleurs on les entend. Ouais, c'est quoi ce bruit? C'est pas ah voilà, oh. Ah oui. je regarde Jeanne automatiquement qui est derrière. Le pavillon d'écoute nous envoie des grillons. Oui, c'est ça, c'est oui. Qu'on a la table du pavillon d'écoute des éditions Aerolimite qui est juste en face, et de temps en temps, il y a vraiment des sons un peu tout étranges qui sortent des casques et qui atteignent nos oreilles, et on se demande vraiment d'où ça sort. Et voilà, donc pour l'instant, j'aime bien explorer ça. Après, c'est vrai que là, hier, on a, avec Mara, on a fait des exemples, elles ont joué de la flûte, donc pour montrer ces histoires de battements et de interactions de hauteur. Et c'est vrai qu'à la flûte, donc, quand on est sur des registres plus aigus, on va plus se concentrer sur les sons différentiels, donc les troisièmes sons graves qui va se créer. Enfin, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Donc oui, enfin, en tout cas, j'ai une relation très donnant-donnant avec l'instrument. Et justement, tu parlais de battement, et puis, et puis par rapport à la hauteur, you were also referring to beatings related to tuning and pitch. And when you were talking like 2 days ago, I was asking myself if you ever have a reading of these beatings also in terms of rhythm. Or is it something that influences you, like in the way you feel the music, but also in the way maybe you write it or you perform it? For me, it really depends on the piece that I'm working on. In the color pieces, I wasn't thinking in terms of beatings and rhythm, but more beatings and texture, and acoustic density, I would say. One of these principles that really inspired me was the discussion, that kind of started around Aristotle. He was talking in his treatise about the senses, he was talking a lot about how we perceive lightness and darkness, and how color is really connected to the amounts of translucence and opacity in any object, in the surface of any object that we perceive. And he also had a lot to say about colors in that sense, where they're kind of either very simply defined by more like simple ratios or proportions, and colors that are a bit more complex and can't really be defined in the simplest terms or with these more simple proportions. So in my mind, to use beatings in those pieces was kind of way to explore that that textured complexity in color and sound. And sometimes when you have really fast beatings, to me it sounds more textured or more opaque or dense. And when you have something with very slow beatings or zero beatings, it has a translucent quality. It almost feels as if you can hear that more light is being let in through this window. So in those pieces, no, I didn't think so much about the rhythmic quality of the beatings, but just more in terms of interruption or sort of creating flex or marks in the surface of the sound. But that is a really interesting point and something that I would like to explore in the future. And in fact, it's, I think, something that we need to research as an ensemble to be able to control the beatings at the level of being able to do rhythmic performance using beatings. This is a very virtuosic activity, in fact, for something like the flutes. But it would be a great challenge. Mm-hmm. Yeah. Oh. Ouais. Oui, moi je suis assez fasciné par l'idée que en fait le son lent, en fait, c'est un rythme, quoi. C'est-à-dire que plus on, enfin, un son grave, les longs, enfin, plus un son est grave. Enfin, un son très très très très très très grave devient un rythme, en fait. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Après, utiliser les battements vraiment comme un aspect rythmique, c'est-à-dire comme une espèce de pulsation régulière ou plus ou moins régulière, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une activité très très très très très très difficile, en tout cas avec des instruments acoustiques. Mais voilà, et c'est vrai que dans ce trio-là, je joue du clavecin, donc il y a un instrument qui est très percussif à la base, quoi, avec deux autres instruments qui vont plutôt s'occuper d'expandre les sons et les harmonies, enfin les sonorités. Et c'est quelque chose qui... Ce lien entre battement et rythme m'intéresse, mais que j'explore, enfin qu'on explore par d'autres moyens, et notamment les liens entre rythmicalité du son du clavecin et longitudinalité des sons des instruments du violoncelle et de la clarinette basse. Ouais. Voilà. Et juste avant, parce que là, c'est normalement l'heure à laquelle on doit arrêter l'interview, mais j'avais juste envie de vous entendre un tout petit peu. Non, très, très, très, très rapidement, c'est possible pour vous, ça? De quoi? Si vous avez le temps. Oui. Okay. Yeah, I just wanted to ask you about just about your relationship to noise music, because I can really relate in between like what you are talking about and also noise music. So just if you have some words or something to say, if you already made the beep. Je me permets du coup d'inverser le rôle des, d'inverser l'ordre, pardon. Moi c'était la j'ai eu vraiment une la première fois que j'ai vu un set de noise, de harsh noise, quoi, où ça a été vraiment une expérience très importante pour moi, notamment cette manière de considérer le son comme en lui-même, quoi. Et donc ça a été vraiment une expérience assez fondamentale, et je suis assez fasciné par la noise, donc cette idée de, enfin la harsh noise, ou cette idée de remplir complètement, ou au maximum en tout cas, parce qu'on peut pas remplir complètement, mais l'espace sonore. Et je suis aussi fasciné par l'inverse, donc tout ce mouvement de des minimalismes absolus qui va chercher à juste remplir peut-être le moins possible. Mais ouais, c'est cette idée de maximalisme et minimalisme, ça a été, enfin c'est important pour moi, ça l'est toujours. Yeah, and I just want to say about your music, Leo, is that something is so incredible about the way you record it, and that it has like such a big quality to it, and such a kind of like punk quality to the way that you record it. It sounds so loud, and that's not the way that we're used to hearing harpsichord at all. And this was so rock and roll, and you know, it's something I really love, and it does cross over into that aesthetic of kind of this noise mentality. From my side, I was never very impassioned by like harsh noise or industrial noise aesthetics, but I have been a big fan of drone music for ages, and that was really the aesthetic that has influenced my approach to composing more than any. In so many ways, but I think you can hear that, and also with the notation, I think it was a way, like when I was using this painted watercolor style of graphic notation, was kind of a way to explore that minimalism and that atmospheric quality visually, and I was hoping that it would also help the performers kind of get into that drone mindset as well, and I felt that it worked, and it's encouraged me to continue notating in that way instead of using more traditional forms, just to keep that kind of drone atmospheric slowed down mindset in a visual sense. Thank you. Thanks a lot for merci, merci beaucoup. For being here so and answering all our questions. So yeah, that was really, really great to meet you around this table. So you will be performing on Friday? Vendredi. Yeah, Friday with Les Certitudes, and you, Mara, on Saturday. On Saturday at 6. Yeah, a solo performance. Solo, very different, really different from the other thing. So cool. So really looking forward to it. And now I will give you to listen one excerpt of Les Certitudes.